Au bout de 8 jours, elle n'y songeait plus. Accoutumée à la physionomie nouvelle de sa mère, et refoulant peut-être ses craintes, comme on refoule, comme on rejette toujours, par une sorte d'instinct égoïste, de besoin naturel de tranquillité d'âme, les appréhensions, les soucis menaçants. La baronne, impuissante à marcher, ne sortait plus qu'une demi-heure chaque jour. Quand elle avait accompli une fois, une seule fois, le parcours de son allée, elle ne pouvait se mouvoir davantage et demandait à s'asseoir sur son banc. Et, quand elle se sentait incapable même de mener jusqu'au bout sa promenade, elle disait « Arrêtons-nous, mon hypertrophie me casse les jambes aujourd'hui. » Elle ne riait plus guère, souriait seulement aux choses qui l'auraient secouée tout entière l'année précédente. Mais, comme ses yeux étaient demeurés excellents, elle passait des jours à relire Corinne ou les méditations de Lamartine. Puis elle demandait qu'on lui apportât le tiroir aux souvenirs. Alors, ayant vidé sur ses genoux les vieilles lettres douces à son cœur, elle posait le tiroir sur une chaise à côté d'elle et remettait dedans, une à une, ses reliques, après avoir lentement revu chacune. Et, quand elle était seule, bien seule, elle en baisait certaines, comme on baise secrètement les cheveux des morts qu'on aime. Quelquefois, Jeanne, entrant brusquement, la trouvait pleurant, pleurant des larmes tristes. Elle s'écriait « Qu'as-tu, petite mère ?» Et la baronne, après un long soupir, répondait « Ce sont mes reliques qui m'ont fait ça. Ça remue des choses qui ont été si bonnes et qui sont finies. Et puis, il y a des personnes auxquelles on ne pensait plus clair et qu'on retrouve tout d'un coup. On croit les voir et les entendre, et ça vous produit un effet épouvantable. Tu connaîtras ça plus tard. » Quand le baron survenait, en ces instants de mélancolie, il murmurait « Jeanne, ma chérie, si tu m'en crois, brûle tes lettres, celles de ta mère, les miennes, toutes. Il n'y a rien de plus terrible, quand on est vieux, que de remettre le nez dans sa jeunesse. » Mais Jeanne aussi gardait sa correspondance, préparait sa boîte aux reliques, obéissant, bien qu'elle différât en tout de sa mère, à une sorte d'instinct héréditaire de sentimentalité rêveuse. Le baron, après quelques jours, eut à s'absenter pour une affaire et il partit.